Chapitre 2. L'homme au flageolet. Cependant, après quelques jours d'angoisse, d'incertitude, la belle bourbonnaise, dite maintenant au Batignolles Madame Dubois, finit par avoir des nouvelles de son cher Bouchancœur. Tous les jours, elle achetait 2 ou 3 journaux dont, affirma-t-elle, elle suivait le feuilleton. En réalité, elle y cherchait aux faits divers les nouvelles de l'affaire de la tilleuse, dont la presse certainement allait s'occuper. En effet, elle apprit par ses journaux l'arrestation de l'illustre Perpignan, sa capture par les gardes du pavillon de chasse. « C'est bien ce que je pensais, » se dit Zélie avec désespoir. « Il est allé au pavillon, pensant que je viendrais certainement le rejoindre là. » On l'a pris, lui, naturellement. Clouteau, comme toujours, Clouteau s'est enfui. Et encore une fois, c'est Bouchancœur qui va prendre sa place. Lui, l'illustre Perpignan qui a obéi au commandement du maître, des aides, va payer pour Zigomar. La belle Bourbonnaise se désespérait de ne pouvoir rien faire pour sauver Bouchancœur. Pendant ce temps, le bon magistrat, M. Duranton, continuait son enquête, lentement, discrètement, sûrement. L'affaire, comme on dit au barreau, entrait dans sa période la plus active. Le bon M. Duranton, qui lui-même s'était mis en marche avec le substitut Romantin, continuait son instruction, tandis que parallèlement, le parquet de Versailles s'en occupait et que la sûreté, la préfecture de police de Paris, envoyait sur les lieux ses plus fins limiers. Mais, du faisceau de toutes ces enquêtes, il résultait une opinion unique. Le crime, l'assassinat du comte, avait été inspiré par quelqu'un ayant un intérêt absolu à faire disparaître Armand de Saint-Rion. Dans quel but? L'instruction cherchait à l'établir et n'y parvenait pas. L'assassinat du comte de Saint-Rion pouvait être attribué à l'un de ces deux motifs. La jalousie du bonheur du comte, de son amour, parce qu'il aimait la belle Madeleine, parce qu'il était aimé d'elle. La cupidité, parce que le comte de Saint-Rion, après ses vicissitudes de forme, arrivait, grâce à ses opérations, ses travaux en Amérique, à se trouver en possession d'une assez grosse fortune, parce que sa femme devait toucher, non pas directement, mais grâce à Paulette, un héritage considérable. On chercha donc de ces deux côtés, on fit une enquête afin de découvrir si Madeleine, avant de rencontrer Armand de Saint-Rion, n'avait pas été recherchée par quelque autre prétendant qui, évincé, s'était vengé. Madeleine était très riche, dotée à cette époque magnifiquement par son père. Elle était de plus extrêmement jolie. Certainement, elle avait dû être recherchée par nombre de soupirants, mais on n'en put découvrir aucun. Madeleine, en effet, la première fois qu'elle parut dans un salon conduite par sa parente, Madame Berton, rencontra le comte Armand de Saint-Rion. Son cœur se donna dès cet instant, et aucun autre soupirant ne put même espérer approcher d'elle. Dès la première minute, elle appartint à Armand. Armand seul compta pour elle sur terre, et tout amour, tout bonheur, tout espoir se résuma dans Armand. La justice dut abandonner cette piste. Elle n'offrait rien à ses recherches. La justice, cependant, n'abandonna cette voie, généralement la plus féconde en surprise, qu'après avoir acquis la certitude que vraiment elle ne pouvait rien découvrir. En effet, à défaut de prétendant évincé, il pouvait exister un jaloux, un ennemi soit de Madeleine, soit d'Armand lui-même, un de ces fous qui, voyant leur échapper un bonheur qu'ils estiment leur être dû, s'en prennent à qui détient ce bonheur. Ils accusent les heureux de leur avoir volé leur joie, et farouches, furieux, fous, ils se vengent en commettant un crime odieux. Ce genre de malfaiteur ne paraissait pas devoir exister contre Madeleine. La jeune fille, en effet, n'avait été que fort peu dans le monde. Madeleine passa donc presque inaperçue dans les salons. Mais chaque fois où elle y figura comme par hasard, ce hasard qui se prépare si bien, Armand se trouvait là. Elle était à lui comme il était à elle. Du côté d'Armand, il était plus logique peut-être de lui supposer des ennemis. Il y a des gens qui ont ici-bas la mission odieuse d'être les ennemis de quelqu'un, alors même que rien ne justifie leur haine, et ils n'opèrent contre lui que dans l'ombre, sous l'anonymat. Et ce sont les ennemis les plus méchants, les plus farouches, parce que les plus lâches, les plus insoupçonnés. L'ennemi dont on connaît la haine, que l'on sait haïr, n'est qu'un ennemi, ce n'est pas un danger, car on vaut toujours autant sinon mieux que son ennemi. Les gens forts, les héros, les grands ne sont ennemis de personne. Ils ont des ennemis, eux, qui jalousent leur force, leur succès, leur triomphe. Mais ces ennemis, ils peuvent les combattre, ils sont de taille à se défendre contre eux. Tandis qu'ils demeurent désarmés contre l'anonyme, le lâche qui se cache, celui qui frappe dans le dos et fuit. Surtout contre le suprême misérable qui arme une main étrangère et inconsciemment terrible. On chercha quels ennemis pouvait avoir le comte de Saint-Rion, soit en France, soit en Amérique, et on ne découvrit point. Cette piste fut également abandonnée. Restait celle des parents plus ou moins éloignés, qui pouvaient se croire frustrés par l'héritage mis sur la tête de Paulette. Là encore, la justice n'eut pas à aller bien loin. Les parents du père de Madeleine avaient hérité du rancunier M. Marnier, de beaucoup plus d'argent que Madeleine, elle-même déshéritée après la naissance de sa fille, et les parents de Madame Berton étaient très vieux et tous fort riches. Alors les magistrats purent croire qu'il s'agissait d'un simple assassinat commis pour dépouiller un passant inconnu, et sur cette dernière base, M. Duranton échafauda son enquête qu'il ne devait plus s'occuper que des hommes détenus, le braconnier Gervais et l'illustre Perpignan. Le juge, ayant de nouveau acquis la conviction que Gervais refuserait de parler, voulut interroger bouche en cœur. Lui, certainement, parlerait. « Nous devons tout d'abord, dit M. Duranton, établir la complicité de ces deux hommes. Et si elle n'existait pas, fit remarquer le substitut M. Romantin. Ou alors nous entrerions dans une affaire à peu près inextricable. Mais voyons d'abord cet homme. » On alla prendre l'illustre Perpignan à la prison pour le conduire devant le juge. Bouchancœur, après son accès de fureur et de rage, qu'on calma en le menaçant de la camisole de force, s'abîmait dans des réflexions, des pensées qui l'étonnaient au dernier point. Il ne comprenait rien à la situation fantastique dans laquelle il se trouvait. Que Clouteau l'eût abandonné, cela au fond était tout naturel, tout indiqué. C'est dans les habitudes de Clouteau de lâcher les camarades au moment du danger et de se sauver tout seul. Mais Élie, mais la belle bourbonnaise, qu'est-elle devenue ? L'ignorance du sort de la fidèle Zélie l'accabait plus que tout. Pourquoi ne l'avait-il pas revue ? Zélie n'a pu m'abandonner, à moins que ce misérable Clouteau ne l'ait entraîné avec lui. Cette dernière hypothèse lui semblait impossible, et cependant... Alors Bouchancœur ruminait de côté des projets de vengeance terribles. Je dirais tout. Je dirais que Clouteau était un des chefs du Z, un des seconds du maître, peut-être même Zigomar. Ce fut avec joie qu'il vit le gardien de la prison lui ouvrir la porte de son cachot. Pour le remettre au gendarme, qui devait le conduire dans le cabinet de monsieur le juge d'instruction. « Alors, lui dit le gardien, vous êtes décidé à parler aujourd'hui ?»« Si je suis décidé. »« Non pas à parler, à crier, entendez-vous, à crier ce que j'ai là sur le cœur. »« Il y en a un paquet, on va voir, on va être surpris, on va frémir. » Il fallait, pour aller de la prison au tribunal, faire un court trajet à travers les rues basses de la ville de Mantes. L'illustre Perpignan, ayant mis son chapeau haute forme en bataille et arboré son monocle étoilé, marchait d'un bon pas, décidé, résolu à faire tressaillir le juge d'instruction sous le coup de ces relations aussi terribles qu'inattendues. Comme entre les deux gendarmes, il tournait le coin de la rue, il entendit un mendiant ambulant qui, sur un flageolet en fer blanc, jouait une chanson. Sifflait le refrain d'une romance, et quelle romance ! Celle que préférait Zélie, celle qu'elle aimait par-dessus toutes les autres, celle qui lui valait son plus grand succès. Celle enfin, celle que lui, Bouchancœur, avait sifflée dans le bois pour se faire reconnaître d'elle. Celle, hélas, qu'il siffla en vain avant de gagner le pavillon de chasse où devait commencer ses nouveaux malheurs. L'illustre Perpignan ressentit comme un coup au cœur. Cette chanson, ce refrain là, en ce moment, qu'est-ce que cela voulait dire ? Il n'y avait pas qu'un simple hasard dans cette coïncidence, mais un fait voulu. Le mendiant musicien, sans paraître remarquer le cortège qui arrivait grossi à chaque pas des gamins du pays, dit alors, s'adressant aux gens ayant mis le nez à la fenêtre, « Mesdames et messieurs, maintenant je vais vous jouer le grand air de la belle bourbonnaise. » Et en agitant son flageolet avant de le porter à sa bouche, il chantonna. « La belle bourbonnaise, à l'aise, qui rentre à la maison, zonzon, attend son épouse, zouzou. » Le mendiant insistait sur les alaises, les onzons, les zouzous, sur les aides, comme font pour se reconnaître entre eux les affiliés de Zigomar. Et tout en chantant, il battait la mesure avec son flageolet, et battant la mesure, il dessinait dans l'air un grand Z. L'illustre Perpignan ne pouvait s'y méprendre, la chanson était pour lui, le Z c'était pour lui, on voulait lui faire entendre qu'on ne le perdait pas de vue cette fois, et sans doute qu'on allait tout faire pour le tirer de ce mauvais pas. Bien plus, Maintenant que le cortège se rapprochait de lui, le mendiant s'arrêta de chanter, de remuer, et Perpignan, qui dardait sur lui son monocle étoilé, frémit véritablement. C'est à grand-peine qu'il retint un cri dans sa gorge. « Clodo !» Car l'homme qui joue du flageolet lui rappelle, malgré sa barbe hirsute, le vieux chapeau abaissé sur la figure, le costume dépenaillé, lui rappelle étrangement Clodo, son ami, son bon Clodo. « C'est lui !» pense bouche en cœur. « C'est lui ! Ah, je suis sauvé !» Et pour montrer à ce Clodo à flageolet qu'il a compris, il lève son chapeau de forme et avec son mouchoir, tout en faisant comme s'il voulait s'éponger le front, il trace un grand Z sur son crâne en feu. Or, cet homme était celui qui accompagna Alexandre jusqu'à Dieppe. Nous avons vu qu'il offrait une grande ressemblance de silhouette tout au moins avec celui qu'il appelait maître, celui qui avait au doigt la bague au Z, en rubis. Maintenant, non plus furieux mais plein de confiance, Bouche en cœur pénètre dans le palais de justice et suit les bons gendarmes, qui n'ont naturellement rien pu saisir de tout cela, jusque dans le bureau de cet excellent monsieur Duranton. Là, de son chapeau haute forme tout cabossé, il fit un large salut comme du temps des chapeaux à plumes, ainsi qu'il faisait quand il jouait un seigneur de la cour à Louis XIV. Et le monocle dans l'œil, il attendit, confiant, majestueux, superbe. À vrai dire, M. Duranton est peut-être plus ému que Bouche en cœur en le voyant paraître dans son cabinet. C'est la première fois que ce brave magistrat voit en face de lui, de l'autre côté de son bureau, un homme sur qui pèse le triple soupçon de vol, d'assassinat, d'incendie. L'illustre Perpignan, au contraire, vieux cheval de retour, s'est trouvé en présence de magistrats nombreux, de tout modèle, de tout système, dans quantité de tribunaux. Ils ne se sont nullement impressionnés par cet appareil simple, froid et terrible de la justice. Il est souriant. Il se sent content de lui-même, très tranquille, et pour un peu il sifflerait le refrain sentimental de sa chère Zélie, ou chantonnerait la chanson de la belle bourbonnaise qui rentre à la mairie Zonzon, que chantait dans la rue, tout à l'heure, l'homme au flageolet. Car maintenant, Bouche en cœur a changé tout à fait de sentiment. Sa rage est tombée. Son furieux désir de vengeance est absolument éteint. En lui-même, il se promet bien de ne pas dire un mot qui puisse charger son ami Clodo, son cher Clodo, avec qui il se reconnaît plus que jamais lié à la vie, à la mort.